genoux devant toi, te demande pardonne-moi. Ça fait 7 ans que je t'ai confié ma vie, ma vie. Je t'ai confié mon âme, mon âme. T'ai confié tout de moi. Ça, je ne veux pas t'éloigner, t'écarte de ma vie, de ma vie. Je n'aurais pas accepté que tu sois si loin. Je ne peux plus, stop, stop. Ça fait mal d'entendre que tu me quittes, que tu me quittes. Je ne veux plus, je ne peux plus, stop, stop. Ça fait mal d'entendre que tu me quittes, que tu me quittes, que tu me quittes. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, je ne veux pas que tu t'en ailles. Il faut encore que tu réfléchisses. J'ai besoin d'une chance, j'ai besoin d'une chance, j'ai besoin d'une chance pour que tu comprennes à quel point je t'aime. J'ai trop honte, oui, j'ai trop honte de ce que je suis, de ce que j'ai pu te dire. Je ne veux plus, je ne peux plus, stop, stop. Ça fait mal d'entendre que tu me quittes. Je ne veux plus.